Il travaillait chez Pellerin. Mais souvent Pellerin était en course, ayant coutume d'assister à tous les enterrements et événements dont les journaux devaient rendre compte. Et Frédéric passait des heures entièrement seul dans l'atelier. Le calme de cette grande pièce, où l'on n'entendait que le trottinement des souris, la lumière qui tombait du plafond, et jusqu'au ronflement du poêle, tout le plongeait d'abord dans une sorte de bien-être intellectuel. Puis ses yeux, abandonnant son ouvrage, se portaient sur les écaillures de la muraille, parmi les bibelots de l'étagère, le long des torses, où la poussière amassée faisait comme des lambeaux de velours. Et, tel qu'un voyageur perdu au milieu d'un bois, et que tous les chemins ramènent à la même place, continuellement, il retrouvait au fond de chaque idée le souvenir de Madame Arnoux. Il se fixait des jours pour aller chez elle. Arrivé au second étage, devant sa porte, il hésitait à sonner. Des pas se rapprochaient. On ouvrait. Et, à ces mots, Madame est sortie. C'était une délivrance, et comme un fardeau de moins sur son cœur. Il la rencontra, pourtant. La première fois, il y avait trois dames avec elle. Un autre après-midi, le maître d'écriture de Mademoiselle Marthe survint. D'ailleurs, les hommes que recevait Madame Arnoux ne lui faisaient point une visite. Il n'y retourna plus, par discrétion. Mais il ne manquait pas, pour qu'on l'invitât au dîner du jeudi, de se présenter à l'art industriel chaque mercredi, régulièrement. Et il y restait, après tous les autres, plus longtemps que Regimbard, jusqu'à la dernière minute, en feignant de regarder une gravure, de parcourir un journal. Enfin, Arnoux lui disait « Êtes-vous libre demain soir ?» Il acceptait avant que la phrase fût achevée. Arnoux semblait le prendre en affection. Il lui montra l'art de reconnaître les vins, à brûler le punch, à faire des salmis de bécasse. Frédéric suivait docilement ses conseils, aimant tout ce qui dépendait de Madame Arnoux, ses meubles, ses domestiques, sa maison, sa rue.